vendredi après-midi. Le papier. Le tabac. Le briquet. Bienvenue à cette émission Rock Classic. Je m'appelle Alain Lefebvre, je serai là pour vous accompagner en musique pour les 4 prochaines heures. Aujourd'hui, malgré la grisaille, je vous ai préparé une émission spéciale été. Aujourd'hui, Rock Classic, on va donc entendre tout au long de l'après-midi des pièces appropriées à la belle saison. Dans la plupart des styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière Rock Classic, on va entendre du hard rock, du blues rock, boogie, du southern rock, du folk rock, du rock psychédélique, du rock progressif, ainsi que, comme d'habitude, un peu de métal vers la fin. En outre, je vais vous présenter une formation de rock canadien très obscure des années 70 et qui met en vedette le bassiste et chanteur Brain LeBeuf, la formation Chino. Je vais aussi vous présenter une nouveauté que j'ai adorée cette semaine, le tout nouvel album en concert de la formation de métal symphonique Epica, intitulé The Classical Conspiracy. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. On va débuter avec du matériel des années 60. Dans un moment, on va entendre les Beach Boys, mais tout de suite, on écoute justement Badfinger sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou! The ducks with a bun, they all come out to groove about, be nice and have fun and be so. I tell you what I'll do, what will you I'd like to go there now with you. You can miss out school, won't that be why cool? Go to learn the words of who? What's it we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. But why the cheese there? I'll tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. This is Capitol. So long that back in the city I've been taken for lost and gone and unknown for a long, long time. Spirit high. There I watched her. She spun around and round in the warmth. Her body fanned the flame of the dance. You're under arrest! My children were raised, you know, they suddenly rise. They started slow and long ago, head to toe. Healthy, wealthy, and often wise. At 3 score and 5, I'm very much alive. I still got the jive to survive with the heroes and villains. Beach Boys avec une version alternative qu'on retrouve en bonus track sur la version remasterisée de l'album Smiley Smile de 1967. Juste avant ça, on a entendu The Small Faces avec Ichiko Park. C'est tiré de l'album There Are But Four Small Faces de 1967. Et au début du bloc, on a entendu Badfinger avec Come and Get It. C'est tiré de leur premier album Magic Christian Music. Et c'était aussi la trame sonore du film Un Beatle au paradis avec Ringo Starr. C'est paré en 1970. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, malgré la grisaille, je vous présente un spécial été Rock Classique avec seulement des pièces appropriées à la belle saison. On va poursuivre avec, dans un moment, on va entendre une formation de rock psychédélique britannique Tomorrow, ainsi que Vanilla Fudge. Mais tout de suite, on écoute Procol Harum sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1!

Nail of Fudge avec leur relecture d'un succès des Supremes, You Keep Me Hanging On, tiré de leur premier album homonyme de 1967. Juste avant, on a entendu un véritable petit bijou de rock psychédélique anglais des années 60, My White Bicycle de la formation Tomorrow, qui mettait en vedette Steve Howe. Au début du bloc, on a entendu Procol Harum avec le classique A White Shade of Pale, paru à l'origine en 45 tours, puis sur un album du même nom, sorti en 1967. La version qu'on vient d'entendre, c'est la version stéréo qu'on retrouve sur l'anthologie du groupe, version qui a été remixée et sortie 30 ans plus tard, soit en 1997. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, malgré la grisaille qui règne depuis le début de la saison, je vous présente un spécial été Rock Classique. Dans le prochain bloc, on va entendre entre autres la musique des Beatles, des Stones et des Birds. Mais tout de suite, on écoute les Kings sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1! Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. Now upon your magic twirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. T'es tellement beau. Oh, je t'aime tellement. Ben voyons, Amélie, qu'est-ce que tu fais là avec ton bicycle? Passion Vélo, la place qui offre le plus vaste choix d'accessoires et de vêtements pour les mordus de vélo. Vélo de route, de montagne, hybride et urbain. Aussi, réparation de vélos de toutes marques, conseillers et mécaniciens prêts à répondre à toutes vos questions. Passion Vélo, 495 Barcoff, à côté du Périgny. À chaque mois, des milliers d'internautes visitent le www.cifou.ca. Un site web exceptionnel, diffusant le signal exceptionnel de la radio exceptionnelle, partout dans le monde. Cifou.ca, présentation d'Infotech Internet. Cifou est à la recherche de chroniqueurs étudiants pour la session d'automne 2009. 1 000 $ en bourse sont offerts. Envoie ton CV à dgcifou@uqtr.ca avant le 24 août. Chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan, ça sent le gros bon sens, avec le printemps à 0%. Avis aux finissants, notez que la toute nouvelle Nissan Versa et Nissan Sentra est éligible au rabais diplômé. Pour le prix, le service, la qualité, chez nous en Mauricie, c'est Nissan! Informez-vous chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. C'est fou, 89 ans. Sun is out. I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. Loving me, she feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Vous êtes dans la dimension rock-classique. Stones avec le classique Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow? C'est tiré de l'album Flowers de 1967 et c'est aussi paru en 45 tours en 1966. Pièce très expérimentale pour l'époque et qui témoignait vraiment de l'audace des Rolling Stones. Juste avant ça, on a entendu les Beatles avec Good Day Sunshine de l'album Revolver de 1966, une composition de Paul McCartney très influencée par la formation américaine The Loving Spoonful. On a aussi entendu les Byrds avec un autre immense classique des années 60, la pièce titre de leur premier album, paru en 1965, Mr. Tambourine Man, paru en une reprise plutôt d'une composition de Bob Dylan. Au début du bloc, on a entendu les Kings avec une pièce typiquement British, Sunny Afternoon, c'est tiré de leur excellent disque Face to Face, paru aussi en 1966. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial été Rock Classique avec seulement des pièces appropriées à la belle saison. Dans un moment, on va entendre un des premiers gros canons du Steve Miller Band ainsi qu'un classique du Strawberry Alarm Clock. Mais tout de suite, on écoute les Lemon Pipers sur les ondes de la Radio Campus, la radio des mélomanes et la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1! Silver in my tambourine. Help a poor man build a pretty dream. Give me pennies, I'll take anything. Now listen while I play my green tambourine. Watch the jingle jangle start to shine. Recollections of the music that is mine. listen while I play my green tambourine. A dime before I walk away. Any song you want, I'll gladly play. Money feeds my music machine. Now listen while I play my green tambourine. Pop, pop, pop. Meter Band avec Living in the USA, c'est tiré de leur album Sailor, leur deuxième album paru en 1968. Juste avant ça, on a entendu le Strawberry Alarm Clock avec la pièce Incense and Peppermint qui donne son nom à leur premier album paru en 67. Et au début du bloc, on a entendu The Lemon Pipers avec Green Tambourine, c'est tiré de l'album du même nom paru aussi en 1967. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre Status Quo et Can Heat. Mais tout de suite, on écoute Janis Joplin avec Big Brother and the Holding Company sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes est la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1. Baby, don't you wanna go? I'm going to Status quo avec leur classique Pictures of Matchstick Men. C'est tiré de leur album, leur premier album intitulé Pictures Matchstickable, paru en 1967. Juste avant ça, on a entendu Can't Heat avec Going Up the Country. C'est tiré de l'album Living the Blues, paru en 1968. Et au début du bloc, on a entendu Janis Joplin avec Big Brother and the Holding Company avec leur reprise de Summertime qu'on retrouve sur l'album Cheap Thrills, paru aussi en 1968. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec trois immenses canons, trois gros classiques des années 60. Dans un moment, on va entendre Iron Butterfly et Electric Prunes, mais tout de suite, on écoute le Jefferson Airplane, White Rabbit, sur les ondes de la Radio Campus. La radio des mélomanes est la seule station diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM. Last night, too much to dream.

God of freedom, honor. Don't you know that I'm loving you? In a God of freedom, baby. Don't you know that I've always been true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this land? Please take my hand. Iron Butterfly avec leur immense classique In a God of Vida, c'est tiré de l'album du même nom, paru en 1968. C'est le premier disque de l'histoire du rock à avoir vendu plus d'un million d'exemplaires, ce qui était un chiffre tout à fait renversant à la fin des années 60. Juste avant ça, on a entendu les Electric Prunes avec I Had Too Much to Dream Last Night. C'est tiré de l'album du même nom, paru en 1967, tout comme la pièce qu'on a entendue au début du bloc, White Rabbit de Jefferson Airplane. C'est tiré de l'album Surrealistic Pillow. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans ce moment, on va entendre la musique de Donovan, Blues Image et le Allman Brothers Band. Mais tout de suite, on écoute une pièce très calme du Loving Spoonful sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La seule station à diffuser du vrai rock psychédélique à Trois-Rivières, c'est fou, 89.1. It's really true, nothing matters. No mad, mad world and no mad hatters. No one's pitching cause there ain't no batters in Coconut Grove. Don't bar the door, there's no one coming. The ocean's roar will dull the drumming of any city thoughts or city way. The ocean breeze is cool, my mind. The salty days are hers and mine just to do water, water. Tonight we'll find a dune that's ours, and softly she will speak the stars until sun up. It's all from heaven, someone knowing just which way your head is blowing. Who's always warm like in the morning in Coconut Grove. Breeze is cool, my mind. The salty days are hers and mine, just to do what we wanted. Tonight we'll find a dune that's ours, and softly she will speak the stars until sun up. It's really true how nothing matters. No mad, mad world and no mad hatters. No one's pitching cause there ain't no batters in Coconut Grove.

Vous êtes dans la dimension rock classique. Allman Brothers Band avec le classique Rambling Man, c'est tiré de leur album Brothers and Sisters de 1973. Juste avant ça, on a entendu Blues Image avec la pièce Ride, Captain Ride, c'est tiré de l'album Open de 1970. On a aussi entendu Donovan avec Hurdy Gurdy Man, c'est tiré de l'album du même nom, paru en 1968. Et au début du bloc, on a entendu The Loving Spoonful avec Coconut Grove, qui nous vient de l'album Hums of the Loving Spoonful, paru en 1966. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un peu de Southern Rock, musique tout à fait ensoleillée et estivale. Dans un moment, on va entendre Blackfoot et Holly Outlaws, mais tout de suite, on écoute Lynyrd Skynyrd sur les ondes de la Radio Campus. La radio des mélomanes est la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1! la dimension rock classique. Thank you. Vous êtes dans la dimension rock classique. Put your hands together for me now, come on. Blackfoot avec leur classique Highway Song, la version spectacle qu'on retrouve sur leur non moins classique album Highway Song Live, paru en 1982. Juste avant ça, on a entendu les Outlaws avec Green Grass and High Tides qui clôturent leur premier album homonyme paru en 1975. Et au début du bloc, on a entendu Lynyrd Skynyrd avec Tuesday's Gone. C'est tiré de leur premier album intitulé Pronounce Lynyrd Skynyrd de 1973. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission estivale, une émission qui évoque l'été qui tarde à s'installer. Dans un moment, on va entendre War et Alice Cooper, mais tout de suite, on écoute Grand Funk Railroad sur les ondes de la radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes et la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, C'est Fou 89.1.

Vous êtes dans la dimension Rock'n'Roll. Cooper avec No More Mr. Nice Guy, un classique tiré du non moins classique album Billion Dollar Babies de 1973. Juste avant ça, on a entendu la formation War avec Why Can't We Be Friends. C'est tiré de l'album du même nom, paru en 1975. Et au début du bloc, on a entendu le Grand Funk Railroad avec Stop Looking Back, une pièce tirée de ce qui est peut-être leur meilleur album, We're an American Band de 1973. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant d'un groupe très obscur. Je vous parle d'une formation canadienne à tendance rock progressive du début des années 70. Une formation du nom de Chemo qui mélangeait le rock au jazz et à la musique classique. Un groupe qui mettait en vedette le chanteur Brain LeBeuf, qui s'est fait connaître quelques années plus tard, bien sûr, en tant que bassiste d'Offenbach et maintenant en tant que bassiste d'April Wine. Chemo, qui ont enregistré un seul album et 4 45 tours et qui faisait quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce que Steely Dan ont fait quelques années plus tard. J'en ai parlé à Breen il y a 2 semaines quand je l'ai rencontré alors qu'on discutait de son ouverture musicale en entrevue et voici ce que ça a donné. Breen, t'es un musicien très respecté, très versatile. T'as même travaillé et participé au dernier album de Martyr qui est un groupe de métal extrême. Comment t'as trouvé ça? Ça, c'était merveilleux. C'était le fun. Hey, je vais dire honnêtement, ils m'ont épaté ces gars-là. De la qualité de leur travail, de la façon qu'ils travaillaient. Parce que j'avais... Il faut dire que Martyr, c'est pas un band métal normal. Il faut dire que c'est très évolué. C'est très technique. Daniel avait travaillé avec moi, avec ma musique, puis avec Dan Bigra. On était ensemble avec Dan Bigra. Okay. Puis j'avais fait d'autres projets avec Daniel. C'est un homme extrêmement talentueux et super généreux, puis cool. Extrêmement sympathique. Sympathique au bout. Puis la générosité, quand je dis générosité, quand moi j'étais un jeune fendant, là, rock and roll, ce que je faisais, c'était super cool, puis ce que les autres faisaient, c'était de la merde, tu sais. Okay. C'était ça l'attitude. Mm-hmm. Puis c'était souvent, ça m'a pris des années pour trouver une maturité où j'ouvrais mon esprit aux efforts des autres, que ça soit dans le country, que ça soit dans le blues ou le jazz ou la musique classique. Maintenant, tout ce que je peux capter, tout ce que je peux comprendre, là, qui me touche un air, je l'aime. Puis ça me donne évidemment beaucoup plus de musique à écouter. Tout à fait. Mais le métal, j'avais une certaine compréhension du métal qui était complètement à côté de la traque. Tu sais? Puis quand j'ai travaillé avec les gars, quand j'ai vu jusqu'à quel point ils étaient méticuleux, mais vraiment, là, c'était pointilleux leur affaire. Puis c'était pas. Tu sais, quand il faut prendre le temps de le faire, ils prenaient le temps, les gars. Puis la façon qu'ils structuraient le rythmique du vocal pour aller avec le snare, j'avais jamais vu ça. Ça m'a complètement viré de bord. J'ai dit, c'est quoi, il chante avec le snare? Puis le snare avec Pat, là, c'est quelque chose. Il y a ben des coups. Ça fait que, moi, ma job avec l'album, c'était plus ou moins d'essayer de les faire sonner un petit peu plus bloke. C'est pour aider avec les sonorités anglophones pour le texte, parce qu'il chante en anglais sur l'album. Puis, pour les aider à ne pas avoir... Pour mettre des temps forts sur des syllabes qui avaient moins d'importance. Mm-hmm. Parce que là, ça roule carré, là, c'est comme une roue carrée. Ça fait que c'était ça plus ou moins ma job. Mais juste pour suivre la structure des pièces, j'avais de la misère. Puis c'est pas hier que j'ai commencé à suivre la structure des pièces musicales. Mais c'était très complexe. Et des fois, là, juste pour me cuer, parce que je faisais l'ingénieur aussi pour la prise de son pour les voix, juste pour me recuer, là. Dan, aide-moi donc, c'est où là, encore qu'on est rendu, là. Je recule où, là? Puis, il était très patient, tu sais, les gars étaient très patients. Je pense que je suis pas le seul qui aurait eu de la misère à suivre la structure. Il y a quelques pièces sur Feeling the Abscess que c'est pété, là. C'est vraiment fou. Mais j'ai tellement aimé ça, puis les gars étaient tellement cool, puis avec une professionnaliste puis un sérieux qui m'a vraiment pris par surprise. Mm-hmm. Breen, juste par curiosité, de quoi ça avait l'air ton premier band, Chimo, avec qui tu as enregistré un disque en 70? En 70. Ben, c'était pas mon premier band, c'était mon premier band recording j'ai eu la chance d'entrer en studio puis de faire des disques. Mais c'était fou, là, parce que on avait des gens, le pianiste Tony Collicott, c'était un génie, deuxièmement c'était un schizophrène. Okay. Il y avait plein de drogues à prendre là, pour qu'il ne parte pas en folie. Il était vraiment un gars qui avait une maladie mentale. Okay. Ça fait que, puis il écrivait des chansons comme schizophrène, là. Il y avait des chansons très drôles et très weird, tu sais. Mais on faisait une fusion au début des années des fusions de styles. T'sais, qui était comme tellement fucké. Là, on faisait juste assez de classiques dans notre répertoire pour choquer les fans de jazz et de rock. Juste assez de jazz pour choquer les fans de classique et de rock. Et juste assez de rock pour choquer les deux autres. Ça fait que c'était comme... C'était juste pas assez de rien. C'était vraiment quelque chose de bien bizarre comme style. Mais c'était super intéressant, point de vue... découverte de style, puis découverte des talents des autres musiciens. Puis moi, j'étais jeune, j'avais 20 ans, puis j'avais besoin de côtoyer des gens qui étaient dans des styles. Justement, quand je te dis que j'étais étroit dans mon expérience musicale puis dans ma générosité, ben des expériences comme Chimo m'ont aidé à sortir de ce coin-là. Puis d'entendre, de jouer avec des gens qui avaient du chop jazz, de jouer avec des gars qui étaient capables de jouer de la musique classique et de le marier à du jazz puis du rock, ça m'a donné une autre attitude envers qu'est-ce que je voulais faire avec ma carrière. Mm-hmm. Est-ce que ça se trouve, ça? Est-ce que ça se trouve? Ouais. Moi, je l'ai trouvé. Un gars qui avait repris bien des vieux masters canadiens. Okay. Je ne me rappelle plus son nom, Brian, quelque chose. Il y avait un label appelé Pacemaker, c'est la patate qui repart le cœur. Okay. Il faisait des vieux bands. Okay. des affaires de Toronto à l'époque, Moxie, puis Truck, puis toutes ces affaires-là. Lee Ashford, puis Chimo, il avait repris Chimo. Puis lui, il avait sorti une compile CD avec des autres des affaires qu'on avait faites sur 45 tours. Il y avait des 45 tours à l'époque. OK, OK. Puis même des affaires qui étaient... il y avait 4 tunes qui n'étaient pas sur l'album, anyway, qui avaient rajouté. Puis okay. Il a fait un remastering qui était très, très bon. Puis il y en avait à vendre sur le net. Ça fait que j'ai rempli le formulaire. Je m'en suis commandé une parce que j'avais plus de copies. OK. Puis quand il a vu mon nom... Ben, il m'a envoyé un email, il dit c'est gênant, t'as chargé pour ton album, je t'envoie une copie comme cadeau. Tu sais. Mais oui, ça se trouve de temps en temps. C'est pas facile à trouver, mais je l'ai rejoué puis c'est très intéressant. C'est vraiment quelque chose de particulier de la fin des années 60, début des années 70. young lost, aching to be found. Faces of the seekers, ears pressed to the ground. And they watch, and they wait. Don't they know it's too late? It passed half an hour ago. Processions of mass. Eyes of barbarians look into the light. Une formation canadienne très obscure du début des années 70, Shemoh, avec trois pièces tirées de leur seul et unique album, paru en carrière, un album homonyme sorti en 1970 sur l'étiquette Revolver au Canada. On vient d'entendre la pièce ACT Blues, c'était précédé de Processions of Mobs. Et au début du bloc, on a entendu Hourglass. La musique de Shemoh me fait penser à un groupe que j'aime vraiment beaucoup, Steely Dan, qui mélangeait aussi, eux aussi, le rock et le jazz de façon élégante. Mais il faut cependant savoir que l'album de Shemoh est sorti un bon bout de temps avant le premier disque de Steely Dan, soit 2 ans. Avant Can't Buy a Thrill, qui est sorti en 1972. L'album homonyme de Shemoh est sorti aussi aux États-Unis, puisque Breen m'expliquait qu'à l'époque, les étiquettes de disques étaient très enthousiastes à sortir et à distribuer les albums des artistes canadiens aux États-Unis à cause du succès de Neil Young, Johnny Mitchell, Steppenwolf, The Band, Guess Who et David Clayton Thomas, qui venaient tous de s'installer là-bas depuis quelques années et qui marchaient très fort. Les compagnies de disques prenaient donc plus de chance avec les groupes et les artistes canadiens à cette époque. Ils ont sorti aussi 4 45 tours Shemoh, mais c'est tout ce qui existe sur le groupe qui est disparu par la suite. Shemoh qui, en passant, signifie « bonjour » en langue esquimau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. De retour de vacances le 31 juillet prochain, je vais vous présenter un autre groupe obscur des années 70, la formation Frantic, qui ont sorti un seul album en 1971 et intitulé Conception. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec du matériel plus léger. Dans un moment, on va entendre Dr. John avec son plus grand classique. Mais tout de suite, on écoute un classique d'un groupe tout à fait dans la même veine que Shemoh et dont je viens de parler à l'instant. Steely Dan, Reeling in the Years, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes est la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1! Something that you think is gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious, I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away? I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Have you had enough of mine? lot of money and I spend a lot of time. The trip we made to Hollywood is etched upon my mind. After all the things we've done and seen, you find another man. The things you think are useless, I can't understand. Are you reeling in the years, sewing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, sewing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? M'écoutes-tu? Et non, ce n'est pas un magazine de psychologie populaire, mais bien une émission musicale aux saveurs variées, animée par Sophie Laforêt. Folk, rock, pop, indie, électro ainsi que l'alternative se donnent rendez-vous les lundis à 18h jusqu'à 19h pour le plaisir de vos oreilles. Le tout en français et en anglais. Pour ceux et celles qui aiment la diversité, gâtez-vous! Chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan, ça sent le gros bon sens, avec le printemps à 0%. Avis aux finissants. Notez que la toute nouvelle Nissan Versa et Nissan Sentra est éligible au rabais diplômé. Pour le prix, le service, la qualité, chez nous en Mauricie, c'est Nissan. Informez-vous chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. QuébecPunkScene.net, le site d'actualité punk, ska, hardcore et emo du Québec. Liste de concerts mise à jour quotidiennement. Fiches détaillées de plus de 500 groupes québécois. QuébecPunkScene.net, c'est le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur QuébecPunkScene.net. C'est fou, 89,1 FM. La radio autrement. Thank you. who I meet. Refried confusion if I'm making itself clear. Wonder which way to go to get on out of here. Cause I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing, but I must have used the wrong line. I did the right road, but I must have took a wrong train. I took the right move, but I made it at the wrong time. I went in the right trip, but I made it in the wrong time. Vous êtes dans l'intimation, merci. Charlie Simon avec You're So Vain, pièce sur laquelle on retrouve Mick Jagger au back vocals. C'est tiré de l'album No Secrets de 1972. Juste avant ça, on a entendu Dr. John avec Right Place, Wrong Time. C'est tiré de l'album In the Right Place de 1973. Et au début du blog, on a entendu Steely Dan avec Reeling in the Years, tiré de l'album Can't Buy a Thrill, paru aussi en 1972. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre Peter Frampton avec un immense classique. On va aussi entendre ZZ Top, mais tout de suite, on écoute une pièce tout à fait estivale, Summer Breeze, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes et la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou 89.1! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. The paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there. I'll care in the world. See the smile waiting in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Rock classique 89.1. Up some cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. Man, what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!

keyboards, Bob Mayer. Peter Frampton avec son classique Do You Feel Like We Do, tiré de son non moins classique album en spectacle Frampton Comes Alive de 1976. Juste avant ça, on a entendu le trio texan ZZ Top avec Cheap Sunglasses qui nous vient de l'album de Guello de 1979. Et au début du bloc, on a entendu Seals and Crofts avec Summer Breeze, un immense classique tiré de cet album du même nom, paru en 1972. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Rock Classique a un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.rockclassique.net sur lequel vous retrouverez des choses pertinentes qui pourraient vous intéresser par rapport à l'émission. Il y a entre autres des playlists des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué dans une émission en particulier. Il y a le top 30 Rock Classique, les tops des années passées. Une section balado-diffusion, si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine. Une section revue dans laquelle vous retrouverez plus d'une centaine de critiques d'albums parus depuis 2 ans, ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale. Le site se trouve au www.rockclassique.net. 3 excellents concerts de rock majeur s'en viennent dans les prochaines semaines et on va justement poursuivre avec un bloc qui met en vedette ces 3 formations. Dans un moment, on va entendre Vandergraffit, Generator et Kiss, mais tout de suite, on écoute Jeff Beck sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes et la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM! Vous voulez annoncer sur les ondes de C'est fou et vous ne savez pas comment? Appelez-moi, François-Olivier Marchand, au 376-5184, poste 3. Ou écrivez-moi à dpcfou@uqtr.ca. Pour une publicité censée à prix ridicule, n'hésitez plus. Le thé a assez infusé. Vite, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Le thé a assez infusé. Vite, il faut l'enlever. Enlevez-la à la poche de thé. Un thé avec Stella, tous les dimanches, 19h. Yeah, yeah! Avec Sédition. Rap 01. Tous les mercredis, de 19 à 21h. Émission entièrement consacrée au hip-hop. Sur les ondes de C'est fou, 89.1. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Of the sea, and you kill all that come near you. But you are very lonely because all the other fish. And Avec le classique Calling Dr. Love, la version spectacle qu'on retrouve sur leur non moins classique album Alive 2 de 1977. Qu'est-ce qu'ils seront au Centre Bell de Montréal le lundi 13 juillet et par la suite au Festival d'été de Québec le jeudi 16? Qu'est-ce qui est constitué en 2009 des membres fondateurs Paul Stanley et Gene Simmons ainsi que du batteur Eric Singer et du guitariste Tommy Thayer qui se déguise et fait semblant d'être Ace Frehley. Mais on n'est pas dupe, le vrai Ace, lui, va sortir apparemment un nouvel album studio à l'automne. Juste avant, on a entendu un des grands noms du mouvement rock progressif Van der Graaf Generator avec la pièce Killer tirée de leur album H2E ou I'm the Only One de 1970. Van der Graaf Generator qui seront au Festival de Jazz de Montréal à la Place des Arts le jeudi 9 juillet. Et au Festival d'été de Québec, le vendredi 10, Van der Graaf Generator, qui ne sont pas venus au Québec depuis les années 70. Il s'agit encore de la formation glorieuse de l'époque de Panhard et God Bluff, sauf que malheureusement, le saxophoniste David Jackson n'en fait plus partie, et c'est vraiment dommage. Il a quitté le groupe il y a 2 ou 3 ans de façon tout à fait acrimonieuse. Néanmoins, c'est à ne pas manquer pour les amateurs de rock progressif. C'est un groupe qui mérite le plus grand respect. Au début du bloc, on a entendu le Jeff Beck Groove avec la pièce I Ain't Superstitious qu'on retrouve sur son premier album, Truth, paru en 1968. Jeff Beck, il sera en spectacle au Québec pour la première fois en carrière. Il sera à la Place des Arts pour deux concerts le lundi 6 juillet. Il sera au Festival d'été de Québec le jeudi 9 juillet. Ça risque fort d'être fort intéressant puisque Jeff Beck est considéré par plusieurs comme le plus grand guitariste de toute l'histoire du rock. Et il a de bonnes chances d'en épater plusieurs. Jeff Beck, qui vieillit très bien. Parmi les autres concerts à venir qui pourraient vous intéresser, Paul McCartney est à Halifax au Commons Park le samedi 11 juillet. Le jeudi 16 juillet, les amateurs de métal seront intéressés d'apprendre qu'il y a le Summer Slaughter Tour avec, entre autres, les formations Necrophagist et Enciferum et Dying Fetus. Ça se passe au Medley. Abigail's Williams seront au Fofone électrique de dimanche 26 juillet. Mardi 28, Queensryche sera au Club Soda. Samedi 8 août, AC/DC seront au Stade Olympique. Mardi 11, Progressive Nation s'arrêtera à l'Agora du Vieux-Port. Progressive Nation, qui est une tournée, un festival ambulant de métal progressif qui met en vedette Dream Theater, Pain of Salvation, Zappa Plays Zappa et Beardfish. Et le mercredi 12, ils seront au Centre Bell. Randy Bachman et Burton Cummins seront au Saint-Denis le même soir, le mercredi 12 août. Jeudi 3 septembre, Motorhead, Nashville Pussy et Reverend Horton Heat seront au Metropolis de Montréal. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec une nouveauté. C'est vraiment mon album préféré ces temps-ci. Il s'agit du tout nouveau disque en concert de la formation hollandaise Epica, intitulé The Classical Conspiracy, enregistré en Hongrie en juin 2008 avec un orchestre symphonique de 40 musiciens et une chorale de 30 personnes. Epica qui font du métal symphonique qui oscille entre l'opéra et des éléments de métal extrême. C'est dans la mouvance de Nightwish, mais bien meilleur, de très loin supérieur à Nightwish. Le son, la performance et absolument tout est parfait sur ce disque, dont on va tout de suite écouter trois extraits sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes est la seule station à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 ans! Yeah. Rock Classique 89 ans. Oh, La formation de métal symphonique hollandaise EPK avec trois extraits tirés de leur tout nouvel album en concert, The Classical Conspiracy, qui est paru il y a quelques semaines. On vient d'entendre la pièce Living a Lie. C'était précédé de Sancta Terra. Et au début du bloc, on a entendu The Last Crusade. C'est vraiment très, très bon. Je le conseille fortement aux amateurs de métal symphonique et sophistiqué. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Je pars en vacances et pour les trois prochaines semaines, ce seront d'anciennes émissions qui seront rediffusées. Je serai de retour au micro le 31 juillet prochain et à cette occasion, je vais vous présenter entre autres les nouveautés de Amorphis et UFO. Je vais aussi vous présenter un groupe très obscur des années 70 du nom de Frantic. Si vous avez des demandes spéciales ou des commentaires, vous pouvez me joindre à l'adresse suivante rockclassic@hotmail.com. rockclassic@commercialhotmail.com. Je vous laisse avec une dernière pièce à saveur estivale, une reprise d'un classique de War par la formation de thrash metal Exodus, Lowrider, et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous retrouve à 13h vendredi le 31 pour une autre émission Rock Classique. Salut!